Madame Barbasson. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Madame Barbasson par Octave Pradel. Par un jour de printemps, je devins amoureux. Oui, moi Barbasson. Dans ce cœur valeureux qui se croyait de roc, l'amour fit une entaille. Et ce front, qui jamais ne rêva que bataille et lutte gigantesque, eut des pensées plus doux. Miette, tout un mois, me tint à ses genoux. Mais aussi quelle femme! Une déesse, un ange, des yeux noirs longs d'un pied, et pleins d'un charme étrange, une taille invisible, un col flexible et rond, des cheveux à couvrir toute la Joliette. Un torse, oh, mes amis! Auprès de ma Miette, on aurait appelé Vénus un laideron. Sa jambe, du paros, ses lèvres, des grenades, un sourire enchanteur, un pied de lilliput, une voix parcourant en brillante cascade trois octaves au moins, du si grave au contrute. Bref, un trésor divin. Quand je lui dis « Je t'aime, je serai ton époux, je serai ton amant », elle eut, vous le pensez, un éblouissement. Barbasson pour mari, c'était l'idéal même. La noce fut superbe, et je le fus aussi. Pourtant, le lendemain, je l'eus comme un souci sur son front ravissant. Qu'as-tu donc, ma chère âme ? Oh, mon cher Barbasson, dit-elle, votre femme est heureuse et charmée. Eh bien, en ce beau jour, elle voudrait encore, comme preuve d'amour, que vous renouveliez pour elle une prouesse, que pour votre colombe, ô splendide ramier, vous fassiez, en cela vous êtes coutumier, étant maître en courage, en force, en hardiesse, quelque chose de grand et d'impossible. Été, si ce n'est que cela, Miette, en vérité, je ne peux refuser ta première requête. Alors, plongeant mon front dans mes mains, je pensai une minute ou deux. Puis, relevant la tête, « C'est fait. De cet exploit, le plan est tout tracé. » Et savez-vous, messieurs, ce que je fis pour elle ? Écoutez. Avec mon audace habituelle, certes, j'aurais bien pu, nageant comme un requin, fouiller toutes les mers de l'Espagne au Tonkin et jeter à ses pieds des perles sans pareille. Bagasse, j'aurais pu, tranquille et souriant, traversant en vainqueur le profond Orient, mettre les diamants de l'Inde à ses oreilles, gravir l'Himalaya, combler quelques volcans, retourner en Afrique y massacrer le fauve et de peau de lion tapisser son alcôve, ou conquérir un trône au pays Arrocan, ou bien lui rapporter quelques ours blancs d'épaule pour réchauffer ses pieds quand viendraient les hivers. Je pouvais lui montrer mes robustes épaules, supportant sans effort le poids de l'univers, comme le fit jadis, non sans quelque énergie, Atlas, ce Marseillais de la mythologie, ou me faire corsaire et mettre l'embargo, comme les flibustiers autrefois aux Antilles, sur tous les galions, aller dans le Congo et faire prisonnier 20 ou 30 gorilles que j'aurais mis en cage afin de l'amuser sur son gentil balcon en pleine Canebière. Mais ceci, je le crois, aurait trop fait jaser. On aurait vu, pour sûr, Marseille tout entière venir stationner devant chaque animal et dire « Té, c'est le conseil municipal !» Je pouvais imiter l'ancien lutteur Hercule, mais j'ai toujours trouvé cet homme ridicule d'avoir passé sa vie et par monts et par veaux, et de n'avoir en tout fait que 12 travaux. Je pouvais tout cela, parbleu. La belle gloire! Ses exploits valent-ils seulement la façon? Je fis plus. Je fis mieux. Et vous allez m'en croire, car je fis à ma femme un petit Barbasson. Fin de Madame Barbasson par Octave Pradel, lu par Ezoie en Belgique en octobre 2009.